veux chanter avec Coréa? Les garçons, vous répondez. À ne pas manquer sur La Fabrique culturelle. J'ai fait une chanson qui se voulait uplifting, c'est-à-dire une chanson qui nous élève. Parce que moi, c'est comme ça que je vois la culture. Ça élève les esprits, ça élève les consciences. Une ouverture vers la créativité avec Corias et 50 000 élèves à travers le Québec. Tout le talent d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. Cet automne, la Ligue québécoise d'impro BD, Ligue BD, présente en mode familial ses rencontres mensuelles. Qu'est-ce que l'impro BD? Des improvisations théâtrales où viennent s'imposer une contrainte ou un allié de taille, le dessin. Improvisateurs, musiciens et dessinateurs s'unissent sur scène afin de créer histoire et personnages. Entre histoires courtes et récits longs, laissez-les vous improviser une BD. Prochaine rencontre, dimanche 30 octobre, 13h, au Musée national des beaux-arts du Québec. Entrée libre. La Ligue BD, une présentation pour les 7 à 77 ans du Festival de la BD francophone de Québec, en collaboration avec CKRL. Information, liquibd.com. Vous êtes-vous déjà posé la question? Mais pourquoi ai-je constamment à lire toute l'information qui me passionne? Y aurait-il une meilleure méthode? Eh oui, les geeks contre-attaque peuvent les lire pour vous! 90 minutes d'actualité techno, de jeux vidéo, de cinéma, de séries télé, de chroniques étranges et insolites, et de toutes les autres niaiseries qui nous passent par la tête. Bref, c'est les samedis, c'est de 15h à 16h30, et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Et c'est ça, là. Pourquoi que la toune faille tout le temps avant que j'aie fini de parler? Ce soir, à l'aérospatiale, l'exposition Refuge présentée au réacteur et une entrevue avec les filles du Collectif 5. Le lancement de la programmation de la 8e Manif d'art de Québec et une entrevue avec la commissaire Alexia Fabre. L'exposition Les traversées des arts de Brouage à Materia et une entrevue avec la directrice Amélie Marois. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine des arts visuels à Québec. Ce soir, on a littéralement rempli nos studios et on va remplir vos oreilles d'art et avec nos invités vraiment de toutes sortes. Alors, en première partie d'émission, on a avec nous les artistes du Collectif 5. Donc, on avait la semaine passée la chance d'avoir Marion Gauthier et Nathalie Van Der Wecken qui étaient venues à l'émission présenter l'œuvre d'art audio qu'on a écoutée, donc Voix. Et ça nous a donné un peu un avant-goût de l'exposition du collectif qui s'appelle Refuge. Ça débutait vendredi dernier. Mais cette semaine, elles sont de retour et en fait, elles sont plus nombreuses encore que la semaine passée. Elles sont trois avec nous, alors on aura l'occasion de s'entretenir avec elles. Et notre chroniqueuse Marie-Claire Tremblay a vu l'exposition et elle va aussi nous en parler. Donc, on aura tout ça en première partie d'émission. En deuxième moitié d'émission, une autre belle brochette d'invités qui joignent à nous pour parler de la prochaine Biennale d'art de Québec. Donc, notre chroniqueuse Suzy Dufour était à la conférence de presse pour le lancement de la programmation ce matin au Musée national des beaux-arts du Québec. Et on aura même la chance d'avoir en studio avec nous la commissaire Alexia Fabre, qu'on a réussi à attraper avant son retour en France. Donc, on aura ça un petit peu plus tard ce soir. Et à travers le tout, on va aussi s'entretenir avec Amélie Marois, directrice du Centre Materia, pour parler d'art, de métiers d'art et de l'exposition Les traversiers des arts de Brouage, présentement à Materia. Donc, un gros programme ce soir et on commence tout ça avec un petit peu de soleil, ce qui nous faisait défaut cet après-midi avec la sélection musicale de notre commissaire musical en résidence, Simon Roy, qui nous propose ce soir des extraits plutôt dub. En fait, c'est l'artiste Ether Dub et on va vraiment sentir les petites ondes de soleil. Alors, tout de suite, on vous en fait jouer un extrait qui s'appelle Prab Hupaba. Hupada. Voilà. Yeah. Alors, vous avez senti un petit peu le soleil de cet artiste. En fait, ce musicien qui vient de l'Argentine. Alors, on remercie Simon Roy d'avoir apporté un peu de soleil dans notre émission aujourd'hui. Alors, je vous annonçais qu'on était en belle compagnie ce soir et qu'on avait rempli le studio. Alors, on a avec nous trois artistes du Collectif 5. On a donc Marion Gauthier qui était avec nous la semaine dernière, Sarah Booth et Andréane Jacques. Voilà, merci. Et on a aussi Marie-Claire, notre chroniqueuse, qui est avec nous, qui est allée voir l'exposition Refuge que le Collectif 5 présente. Oui, bonsoir, je suis chanceuse. Donc, c'est ça, j'ai pu justement participer, ben, être là au vernissage, en fait, vendredi dernier. Puis j'étais bien contente aussi d'aller dans ce lieu-là, dans les ateliers du réacteur, donc qui est un lieu un peu moins habituel aussi pour présenter une exposition. Ça m'a fait découvrir justement ce lieu enchanteur-là avec le bois un peu partout, les poutres. C'est un bâtiment patrimonial aussi, je crois, c'est ça que vous me disiez. Puis, ben c'est ça, tout de suite, d'emblée, je me suis posé cette question-là. Est-ce que ça venait de vous, cette idée-là, de faire l'exposition dans ce lieu-là particulièrement? Disons qu'en fait, au départ, on cherchait un lieu qui soit en dehors, on va dire, du cube blanc, en dehors des espaces traditionnels d'exposition. Okay. Donc la recherche a été quels espaces on peut investir, habiter, en fait. C'est notre pratique un petit peu d'aller dans d'autres lieux. Puis après, nos recherches... difficile parce qu'en fait les espaces commerciaux souvent on nous refusait en nous disant bah peut-être que oui mais si on loue. Alors de fil en aiguille finalement on est allé vers les ateliers du réacteur. Puis la visite du grand espace nous a tout de suite allumé, on a vu les lockers, on s'est dit tiens, on pourrait faire quelque chose ici. Ouais. Alors puis il y avait le côté effectivement histoire un peu du lieu aussi qui nous attirait. Donc à la fois un lieu quand même artistique, porté vers l'art, mais en même temps avec son histoire. Oui, tout à fait. Mais moi, je trouvais justement que le lieu apportait justement à toute l'ambiance qu'il y avait dans cette exposition-là. Puis en partant, l'idée qui m'est restée en tête, c'était comme aussi comment est-ce qu'on avait dans cet espace-là une certaine esthétique qui était intéressante. Je ne sais pas si c'est à cause de la grande cohérence entre les pièces, mais ces teintes-là, les teintes naturelles des matériaux qui revenaient, le blanc, tu sais, un tout vraiment agréable à l'œil. Puis c'est peut-être un peu cliché de dire ça, là. Je pense que je ne dis pas ça souvent, mais là, oui, vraiment, il y avait ça. Puis j'ai l'impression que, entre autres, pour cette raison-là, il y a d'autres raisons, mais que c'est une exposition qui est facilement appréciable, facile à... qui est accessible, en fait, un peu à tous. Donc, en plus d'être amusante pour les yeux, ben c'est aussi... c'est tous les sens, parce que c'est des arts multi, justement. Donc, on a autant la vidéo, le son, la sculpture. Puis, autre chose aussi qui m'a frappé dans votre travail. Ça fait drôle aussi de parler d'une exposition et d'avoir les artistes en avant de soi. Ensuite, vous commenterez ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais moi, ce que j'ai... C'est une interprétation un peu personnelle, mais ce qui m'a frappé aussi, c'est le côté très tactile de ces pièces-là. Moi, ça m'appelait le toucher. Je sais pas, la douceur du foin, les herbes, la douceur des oui, herbes. Oui, parce que je pense qu'il faut expliquer pour les auditeurs et auditrices qui ne l'ont pas vu. Oui. Peut-être les artistes pouvaient embarquer là-dedans parce qu'on retrouve toutes sortes de matériaux particuliers, dont plusieurs matériaux naturels. Voulez-vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition-là pour nos gens qui l'ont pas vu encore? L'idée des refuges, en fait, c'est ça que j'ai compris, c'est que il y a plusieurs pièces dans l'espace et donc chacune évoque évoque ou est en lien avec cette idée-là des refuges. Est-ce que c'est un peu ça? Oui, absolument. Mais aussi un peu des refuges, c'était aussi l'idée de prendre un atelier. L'atelier devient expo, donc un refuge aussi de création. Okay. Aussi un refuge dans nos têtes, cinq têtes qui devient qu'on crée une œuvre ou des œuvres en commun. Puis côté matériaux, je crois qu'on s'est gâtés. Oui, c'est hein? Ça comme ça. Oui. Je pense qu'on a eu un gros trip, puis on s'est gâtés sur la cire, le plâtre, les matériaux naturels. Le latex. Ah oui, le latex. Les plantes naturelles. Tout ce qui était... En fait, je pense qu'on s'amuse vraiment beaucoup puis on se laisse beaucoup aller dans un collectif parce que c'est pas... C'est juste qu'on... En fait, ouais, je pense que c'est vraiment l'amusement qu'on peut avoir en jouant puis en créant à cinq qui fait en sorte que toutes ces matières-là, on avait le goût des croquer, on avait le goût des toucher, on avait le goût des casser, on avait le goût des manipuler. Puis je pense que dans l'expo, comme tu l'as fait remarquer, malgré le fait que vous pouvez pas toujours toucher les œuvres, même si on vous aurait sûrement dit un gros totalement oui, mais... ça évoque ça aussi. C'est pas juste nous qui avons le goût de le toucher. Je pense que vous avez aussi le goût de toucher à la cire qui est sur des objets usuels, aux plantes qui ont été trempées, au dos qui... aux choses qui craquent autour, les objets. Donc, c'est... Oui, puis j'attrape au bon ce que tu disais un petit peu plus tôt, Marie-Claire, parce que, oui, il y a un côté de le toucher, le tactile. Il y a même un côté olfactif, en fait, parce que vous avez utilisé, justement, il y a tout un espace qui est rempli de grandes herbes, de grands foins. Ça sent, là. On entre là-dedans et ça sent. Il y a même, de façon plus générale aussi, il y a une œuvre très belle. D'ailleurs, je pense que c'est l'œuvre que ça m'a vraiment... j'ai passé beaucoup de temps devant. En tout cas, cette vidéo projetée sur un grand cercle blanc, des vidéos de foin, de vent dans le foin, dans les champs, et le bruissement un peu des textures. Et on pouvait presque sentir le vent sur notre peau. Donc, il y a vraiment un côté où tous nos sens sont un petit peu sollicités dans cette exposition. Oui, j'ai aussi remarqué cette vidéo-là, puis j'ai remarqué un détail que je trouvais vraiment intéressant. C'est votre utilisation de la cire qui est récurrente dans les pièces. Ça m'a vraiment fait triper. Et on découvre, quand on regarde bien cette vidéo-là, on découvre la cire sous la projection. Et donc, quand on se déplace, ben c'est comme si la vidéo acquiert elle se rapproche de la peinture. C'est comme si on sentait le coup de pinceau, mais c'est pas le vrai coup de pinceau, c'est une vidéo. Fait que ça, je trouvais ça assez trippant comme effet, en fait, visuel. Les pièces aussi intéressantes avec... toutes les pièces sont intéressantes, mais je pense, en parlant de la cire, à ces objets-là qui sont comme enduits de cire. Puis là, je me questionnais, la cire, pour vous, c'est qu'est-ce que ça a comme propriété? Est-ce que c'était une idée d'unifier ces objets-là, de les rendre comme doux, où il n'y a pas de raison, où ça se peut aussi, là? C'est moi. Ben, je pense qu'on s'est... Je sais pas comment c'est venu, ouais. Mais je pense que c'est la chose qui a été le plus trippant quand on a commencé à créer ensemble. C'est là-dessus où on a trippé les cinq à plonger n'importe quoi dans la cire. Ouais. Et ça a commencé avec des fruits et des légumes. Et puis on s'est rendu compte en fait que la cire enveloppait ces choses-là qui sont vivantes, qui vont devenir périmées très bientôt. Mais une grappe de raisin peut rester extrêmement belle après 6 mois. Donc, il y avait tout ça aussi. Puis quand on a utilisé avec les fleurs, c'était un peu comme nature vivante, nature morte. Cette dualité-là entre le fait qu'on la cristallise dans quelque chose, comme une idée de conservation, ouais. Là. Ça, c'est assez intéressant aussi, cette idée-là de vouloir d'enlever le caractère éphémère des choses, des tout en les fixant en même temps, parce que cet aspect-là aussi, les choses ne bougent plus, elles sont aussi fixes, elles sont prises, c'est comme on les attrape dans un moment, dans l'état où elles sont et elles demeurent. Mm-hmm. Comme ça, c'est une belle idée aussi de façon plus large. Là. Mm-hmm. Puis c'est de les voir aussi... changer au fur et à mesure. Je me rappelle quand les filles, c'est des heures et des heures de travail, là, c'est fou. D'abord, aller cueillir les plantes, les sélectionner. Il y en a qui fonctionnent très bien, que les filles plongent dans la cire, puis que, hop, elles sont magnifiques, mais il y en a d'autres qui se détruisent aussi. Alors, c'est trouver les bonnes plantes, puis aussi voir les couleurs qui se pâlissent au fur et à mesure. Vous auriez vu, il y a un mois, je pense que les verts étaient encore beaux, et il y avait des jaunes, il y avait des couleurs encore vives, puis là, maintenant, petit à petit, c'est comme si elle passait à la couleur automnale un petit peu. Alors c'est ça aussi qui nous fascinait, c'est de voir les couleurs qui passent, puis aussi comment elles évoluent, juste voir ça et dire hey, « ah, là ici ça brunit, ici ça pourrit, ah non, ici ça reste figé ». Fait que, ouais, c'est ce côté saisir le vivant, puis voir qu'est-ce qui devient, en fait. L'œuvre qui évolue aussi au fil du temps. On va continuer à en parler. On prend une toute petite pause musicale et on vous revient pour la suite de cette entrevue avec le Collectif 5. Mmh. Alors, toujours en onde ici à l'aérospatiale et on a avec nous les artistes, trois artistes, trois cinquièmes du Collectif 5 et Marie-Claire Tremblay qui est avec nous aussi pour discuter un petit peu plus de cette exposition Refuge qu'elle présente en ce moment aux ateliers du réacteur. Alors, on poursuit notre discussion et c'est malheureux pour vous, tristement, on a eu des très belles discussions pendant cette petite pause musicale. Alors, on va essayer de poursuivre la conversation. On parlait beaucoup du fait qu'il s'agit d'une exposition non pas une exposition collective où chaque artiste présente certaines œuvres, mais vraiment l'exposition d'un collectif et de ce travail en collectif qui est vraiment fascinant. Alors, on va en discuter un peu plus. Ben oui, parce que moi, en fait, je connais des artistes qui travaillent en duo, en trio, puis même ça, des fois, c'est un peu énigmatique pour le grand public, mais pour les gens qui connaissent pas les artistes. Comment vous faites, les filles, pour travailler à cinq? Est-ce qu'il y a une méthode ou est-ce que c'est très, très libre? Est-ce que c'est un peu freestyle? Avez-vous, genre, quelques mots pour nous décrire un petit peu comment vous faites ce travail-là? Comment ça se passe? Ben, en fait, je crois que notre première résidence, on peut dire, de 8 mois, quand notre première expérience a été, on s'est mis tous ensemble dans un appartement, puis on s'est rencontrés à chaque semaine, puis on a commencé à travailler ensemble. Puis je crois que ça a été beaucoup, beaucoup de travail à la base. C'était pas naturel, c'était pas freestyle au début. On a essayé des choses. Je pense que ça a pris beaucoup de travail. Puis après ces 8 mois-là, je crois qu'on a commencé à avoir confiance entre nous, là. Mm-hmm. Puis que quelqu'un pouvait commencer une œuvre, l'envoyer à quelqu'un d'autre. Puis là, ça commençait à être freestyle, je pense, pour cette fois-ci. Oui, parce qu'au départ, comment on voyait ça, c'est qu'il fallait que les 5 travaillent en même temps sur le même projet. Et ça, c'est impossible. T'sais, on peut pas arriver puis donner une idée et 4 autres personnes vont faire « Oui, je suis vraiment open à faire ça. » Fait qu'après quelques fois, c'est simplement que quelqu'un avait une idée et qu'une autre personne disait « Ah oui, ça me tente au bout. » Puis les 3 autres se disaient « Ah, non. » Puis là, ils commençaient, puis là, ça émanait, puis là, les autres avaient le goût de participer. Fait que maintenant, c'est vraiment ça. C'est des petites équipes qui commencent, mais on ne sait plus qui a fait quoi au départ, qui a continué quoi. C'est vraiment, les œuvres sont complètement collectives, mais on travaille presque jamais à 5 dessus. OK. Fait que c'est vraiment une œuvre évolutive. On s'envoie la balle. OK. Et des fois, c'est étrange parce qu'à une étape, l'étape du début, il y a comme plein de choses ça fait comme plein d'œuvres, en fait, autour. Puis à un moment donné, on se rapproche, puis à un moment donné, on ne sait plus si tout ça va fitter ensemble, parce que les duos, les trios, les solos sont partis sur des choses, ont dérivé chacune de leur côté. Puis là, au bout d'un moment, on se dit, mais là, est-ce que ça va fonctionner ensemble, tout ça? Puis hop, après, tout d'un coup, ça s'amalgame, puis ça s'assemble, puis finalement, ça donne l'exposition Refuge. Mais il y a toujours une part de... Est-ce que ça va fonctionner, là, le son de ça avec ça? Est-ce que la projection là, et puis avec l'œuvre ici? Puis finalement, on s'est rendu compte encore plus sur ce projet-là qu'on était un vrai collectif, parce que, justement, nos esprits dérivaient, mais étaient finalement sur la même longueur d'onde, un peu. Oui. Bien, il y a une œuvre qui me fait vraiment penser à ce que vous dites, là. Dites-moi si j'ai raison de croire ça. C'est l'œuvre qu'on a entendue sonore la dernière fois, que j'ai vue avec l'image, et ça m'a frappée dans cette image-là, parce que c'est vos visages, c'est une accumulation d'autoportraits, et ça devient plus une seule fille, c'est une autre identité, c'est une autre personne, c'est le collectif 5, je trouve, cette vidéo-là, puis je trouvais ça chouette, j'étais comme, waouh, je rencontre visuellement et sonorement le collectif 5. Ben, en tout cas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est oui, ça un peu? Mais aussi, j'allais comparer souvent à notre première expérience de création, qu'on s'effaçait pour devenir une œuvre commune. Donc, nos visages s'effacent, puis que notre voix s'efface pour en devenir une autre, en fait. Puis, je trouvais ça beau comme comparaison. Ouais. Puis là, moi, aujourd'hui, je me suis amusée à regarder un peu... Bien, je connaissais un petit peu vos pratiques, mais à explorer. Est-ce que vous diriez que le travail du collectif 5 peut avoir une incidence sur votre travail personnel? Est-ce que vous êtes capable de nommer ça, de tracer un peu qu'est-ce qui se passe, le travail d'équipe versus le travail personnel? Pour ma part, je pense que ça me nourrit beaucoup. En fait, je trouve que quand on travaille personnellement, on a souvent des limites qu'on se met peut-être. En tout cas, moi, pour ma part, je m'en mets. Puis avec le collectif, c'est comme si on pouvait aller au-delà de tout ça, en fait, on va tellement ailleurs ensemble qu'en fait, moi ça m'ouvre encore plus de portes. Tout à coup, je me dis, hey, en fait, je peux aller là, je peux faire ça. Puis par exemple, le projet Portrait, clairement, ça m'a permis d'aller au-delà dans ma pratique vidéo, puis d'aller explorer d'autres choses. Fait que à travers le collectif, moi, ça me permet de le son, par exemple, le projet Voix, maintenant, je vais pouvoir me dire, ouais, je vais pouvoir aller là-dedans aussi. Alors, c'est sûr que l'un influence l'autre, mais pour le coup, le Refuge, oui, ça va m'apporter beaucoup. Là, j'ai aussi envie de créer en solo. Ça, c'est aussi toute cette énergie à 5 qu'on déploie, puis on soutient, puis il y a le côté créatif, mais le côté humain aussi qui fait que ça nous renforce, puis on a le goût après de continuer aussi toute seule. Donc, il y a tout ça, je pense. Sarah, Andréane, est-ce que vous avez aussi cette même impression-là, que ça vient un peu vous ouvrir des portes dans vos pratiques personnelles? Pour moi, c'est exactement la même chose que Marion, c'est l'énergie et les possibilités que ça m'ouvre. Des fois, on se ferme, on se donne une signature, mais on se donne beaucoup. On s'est rencontrés à la maîtrise aussi, donc on a appris à avoir un langage, à l'expliquer. Puis on dirait que ça cassait un peu ça. Ça fait du bien. Mm-hmm. Puis donc énergie puis ouverture pour moi. Oui, c'est totalement ça. Je pense qu'on était tellement habitués dans notre pratique personnelle, surtout à la maîtrise, c'est pas limité, mais c'est un peu se limiter à une seule. C'est une expo, c'est un cursus. Donc, tu peux pas te dire, j'ai toujours fait ça, puis là, je vais aller là. Tu peux le faire, mais c'est vraiment, ça fait vraiment peur, en fait. Mm-hmm. Et le collectif fait en sorte que maintenant, je crois que ça nous donne plus de force pour simplement se dire, c'est pas parce que Andréane Jacques a toujours fait ça qu'elle peut pas aller complètement à côté parce qu'elle est capable. Mm-hmm. Puis il y a tout un processus de création en commun dont vous avez partagé des petites bribes. Merci beaucoup. Il y a aussi des choses, j'imagine, qui se passaient très concrètement dans l'action de monter l'exposition comme telle. Est-ce que toutes vos œuvres ont été faites au même moment et ont été un peu installées dans l'espace, ou il y a des choses qui se sont passées vraiment dans le montage de l'exposition qui sont toujours présentes dans l'exposition actuellement? En fait, il y a quelques œuvres qui étaient déjà montées et d'autres qu'on a faites littéralement sur place. Il y en a plusieurs qu'on se disait qu'elles allaient être comme ça puis qui ont changé sur place. Donc, il y a le lieu aussi qu'il fallait qu'on pense parce qu'en fait, le lieu est patrimonial. Donc, on n'avait pas le droit d'installer sur les poutres, on n'avait pas le droit d'installer sur les murs. Donc, tout ça faisait en sorte qu'on avait des limites qui nous forçaient à créer d'une autre façon. Mm-hmm. Et qui a fait en sorte aussi que sur le lieu, en montage, ben, il y a des choses qui ont changé. Fait mm-hmm. qu'on s'est vraiment inspiré du lieu pendant une bonne grosse semaine de montage. Et ça fait une très belle expo. Moi, je l'ai beaucoup apprécié, Marie-Claire aussi. Oui, oui, moi aussi. Et justement, tu notais le point, il y avait une cohérence. Et c'est quelque chose qu'on retrouve pas toujours dans les expositions où il y a plusieurs personnes qui y contribuent. Et avec le lieu aussi, ça, c'est vraiment un lieu à découvrir, à exploiter. Alors, c'est toute une découverte. Et on invite nos auditrices, auditeurs à aller faire un tour. Jusqu'à quand est-ce qu'on peut visiter cette exposition? Alors, on réouvre demain à midi jusqu'à dimanche 17h. Donc, ce sera le moment, cette semaine, le moment pour aller voir l'exposition Refuge du Collectif 5. Je vous remercie beaucoup d'abord à Marie-Claire Tremblay, notre chroniqueuse. Merci beaucoup. Et à nos trois artistes, Marion, merci. Sarah et Andréane. Alors, on va pouvoir suivre votre travail. D'ailleurs, est-ce que vous avez une page ou où est-ce qu'on peut en suivre le Collectif 5? Oui, nous avons un site Internet, donc collectif5 ou / Weebly ou .com, je pense, hein? C'est ça. D'accord. Alors, on suivra pour la suite. Merci beaucoup de votre passage. Quant à nous, on s'en va en pause publicitaire et on revient tout de suite après. Les retardés mentaux sont toujours un peu réticents à l'idée du changement. CKRL 89A. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. CKRL. 89.1. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% au restaurant pub Le Dorsay, 65 rue Debuade à Québec. dorsayrestaurant.com. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Le groupe de punk français Guérilla Poubelle sera de passage au Québec pour une tournée et pour faire la promotion de leur plus récent EP, Inferno. Inferno. La tournée aura lieu du 20 au 26 octobre prochain et s'arrêtera à Trois-Rivières, Québec, Alma, Sherbrooke, Gatineau, Rouen et Montréal. Oyez, oyez! François Bégin, animateur de l'émission « Ça ne tombe pas du ciel », est actuellement dans le dernier droit de sa campagne et il ne manque pas de toupette. Ce qui lui manque par contre, c'est des supporters. Encouragez sa campagne de sociofinancement sur la plateforme La Ruche. Aidez-le à dépasser son objectif d'ici le 26 octobre pour financer la sortie de son livre sur les finances personnelles afin que lui aussi puisse dire « Think big, sti ». Visitez françoisbégin.com. Ce message est payé et autorisé par François Bégin. En octobre, ne manquez pas Juste la fin du monde, le dernier film de Xavier Dolan présentement à l'affiche. Voyez aussi Un ours et deux amants, 1h54 dès le 3 octobre, Radin le 14 octobre, La Vache dès le 21 octobre et Frank dès le 28 octobre. Pour obtenir les détails et l'horaire des films, rendez-vous au clap.ca. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'informations complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Alors, nous sommes de retour à l'aérospatiale pour cette deuxième moitié d'émission et on aura la chance de s'entretenir avec Amélie Marois, qui est directrice du Centre Materia. Donc, elle nous joint, elle est toute là au bout du fil. Bonjour Amélie. Bonjour. Ça va bien? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien de l'autre côté, ici à Québec. Alors, on tenait à s'entretenir avec toi ce soir parce qu'il y a une exposition assez particulière qui est présentée en ce moment au Centre Materia. C'est l'exposition « Les traversées des arts de brouage ». Donc, c'est une 15e édition, si je me trompe pas, pour cette initiative-là, qui est une initiative-là franco-québécoise, dont j'aimerais que tu nous glisses quelques mots. Veux-tu nous parler un petit peu de ce projet-là? Oui, mais c'est un super projet. Ça fait 15 ans cette année que le Conseil des métiers d'art du Québec, qui est le regroupement qui reconnaît les artisans comme étant professionnels au Québec, fait des échanges comme ça, appelle les artistes québécois à présenter leur travail et les apporte jusqu'à Brouage pour présenter encore une fois leur travail en métiers d'art. D'accord. Donc ça, c'est la portion vers la France et ce qui est en ce moment à Materia, si je comprends bien, c'est l'autre côté du traversier. Bien, c'est les deux côtés en même temps qui se présentent à Materia actuellement. Le Conseil des métiers d'art nous a approchés pour présenter le travail, pour fêter leur 15e anniversaire, tout en continuant de faire ce qu'ils savaient si bien faire, soit présenter le travail des artisans de la relève à l'étranger, mais cette fois-ci, on fait venir deux artisans de l'étranger, soit Louise Tachet-Chêne, et Azélina Michelet. Et ça, c'est les deux Françaises qui sont là, mais en plus, on ajoute les deux Québécoises qui sont déjà à la Brouage avant et qui présentent encore une fois leur travail au Québec, soit Ariane Poitras et Maxime Bouchard. Et ce sont des pratiques, ces quatre pratiques-là, assez différentes, quand même ancrées dans différents métiers d'art. Donc, c'est ce qu'on voit quand on va au Centre Materia, on a un peu une vitrine de chacune de ces quatre pratiques-là, mais elles sont aussi reliées par un thème. C'est le thème cette année, c'était « Un fil de la terre ». Alors, les artisans qui présentaient leurs dossiers, on acceptait autant les gens qui travaillaient la céramique que les gens qui travaillaient le textile. Et d'ailleurs, on a le travail de Louise Tachet-Chêne qui présente même les deux ensemble, qui est assez audacieux. Oui, et d'ailleurs, je trouvais ça intéressant parce que, bon, les métiers d'art ont ce lien-là avec le traditionnel, le lien avec, oui, voilà, donc des techniques qui sont plus ancrées dans une culture particulière. Le fait de mettre ensemble des artistes de France, des artistes du Québec, est-ce qu'on sent un peu une différence au niveau de la façon dont ils interprètent de la façon dont ils approchent leur métier d'art? Oui, on le sent beaucoup d'ailleurs dans cette expo-là parce que ce sont des jeunes hein, à cause de traverser des arts qui est aussi fait avec l'OFTJ. C'est des jeunes artistes, c'est des gens de moins de 35 ans. Alors, on sent vraiment l'influence scolaire dans leur travail. Soit les deux Françaises ont vraiment étudié dans une école de broderie en France avec la tradition des petites mains, du travail minutieux sur les vêtements de haute couture et tout ça. Mm-hmm. Et on sent vraiment de la part des Québécois vraiment leur travail. Soit Ariane, son travail en céramique, on sent vraiment qu'il veut émerger quelque chose d'une démarche artistique et tout ça. Puis c'est encore en petit format. Puis auprès de Maxime, ce qui est particulier, c'est que Maxime, elle s'est auto-formée autant en herboristerie mm-hmm. qu'en couture, mais elle vient d'une famille d'artistes, ce qui fait qu'elle a vraiment une grande sensibilité. Mm-hmm. Et on sent vraiment l'émergence de tout ça, puis on voit dans le travail de Maxime, entre autres, visuellement, là, les forêts québécoises, les petites mésanges, ce qui nous distingue vraiment dans notre faune québécoise. Mm-hmm. Puis autant les Françaises de leur côté, on voit là, toute la tradition de brodeuse, du fil d'or, par exemple. Mm-hmm. D'ailleurs, c'est les métiers d'art, on voit souvent les produits de métiers d'art exposés dans un contexte plus commercial, je dirais, dans un contexte de foire ou en boutique, les métiers d'art contemporains, à tout le moins. Ouais. À Materia, on parle d'un espace qui est quand même un espace de diffusion où il y a des pratiques qui sont abordées avec un petit peu plus d'exploration, de création. Pourquoi c'est important d'avoir un espace comme ça pour les métiers d'art? Mais à la base, là, c'était vraiment primordial de le présenter dans un contexte presque muséal, le travail des artisans qui ont une recherche approfondie, aussi approfondie que les artisans en art visuel, mais ils n'avaient pas d'espace pour présenter leur travail et souvent ils étaient jugés comme art mineur. Mm-hmm. Je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est assez différent. Ça fait 15 ans aussi que, 16 ans cette année que Matériel existe. Ça fait 16 ans qu'on travaille, qu'on présente le travail des artisans en métier d'art, mais avec vraiment une démarche, avec un propos. Et puis, tranquillement, on sent que la cloison est de plus en plus friable, que les zones sont vraiment de plus en plus lousses entre les arts visuels, le propos, les envies de dire quelque chose, mais aussi le savoir-faire. Mm-hmm. À Matériel, on est très, très chanceux de l'avoir ici dans la ville de Québec parce qu'on est pratiquement les seuls à présenter aussi largement tous les savoir-faire reliés au métier dans des contextes vraiment de présentation visuelle comme on peut retrouver au musée, par exemple. Oui, alors ce sera vraiment une belle occasion pour nos auditrices et auditeurs de venir découvrir Matériel s'ils ne la connaissent pas déjà, cette galerie. Vous êtes en plein centre-ville, situé au coin de Charest et de la rue de la Couronne, si je ne me trompe pas. Et de découvrir aussi les pratiques de ces quatre artistes de la relève qui sont là. Et l'exposition, elle est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut aller voir les traversées des arts de brouage? Jusqu'à dimanche, cette semaine, le 30 octobre. Donc, on ne tardera pas. Pas beaucoup de temps. Pas beaucoup de temps. Eh bien, merci beaucoup, Amélie Marois, de t'être joint à nous ce soir. Et puis, on espère voir d'autres belles expositions comme ça à Matéria sous peu. Ah oui, on en prépare plein. Bon, c'est parfait. On peut suivre justement la programmation de Matéria sur votre site web. www.centrematéria.com. Parfait. Bien, merci beaucoup. De notre côté, on part en petite pause audio et on vous revient avec le lancement de la programmation de la Biennale de Québec. On est de retour en ondes pour cette dernière partie d'émission et comme je vous le disais un petit peu plus tôt, on a la chance d'avoir avec nous Alexia Fabre qui est commissaire de la 8e Biennale Manif d'art de Québec. Alors bonjour Alexia. Bonjour. Et on a aussi avec nous en studio Suzy Dufour, notre chroniqueuse qui est allée ce matin au lancement, en fait le dévoilement de la programmation de la prochaine Biennale. Donc bonjour Suzy. Bonjour Sarah. On a la chance d'avoir des reporters un peu partout sur le terrain pour couvrir l'actualité. Donc on va parler un peu de de la Biennale. On va parler de ce qui s'en vient. Je laisse tout de suite le micro à Suzy. Tu vas pouvoir nous faire un petit peu un retour sur ce qui a été annoncé ce matin. Parfait. Donc, premièrement, peut-être, il a été annoncé avec tout l'honneur que nous avons, la Ville de Québec, de recevoir Alexia Fabre, qui est aussi directrice et conservatrice en chef du MacVal. Et en fait, moi, ma première question que j'ai envie de vous poser, Madame Fabre, c'est qu'est-ce qui vous a incité à accepter la proposition de venir à Québec ici pour faire le commissariat de la manif d'Arwit? Alors, c'est une bonne question. La première chose, c'est que je connais Québec depuis maintenant une grande dizaine d'années. Car quand le MacVal a ouvert en banlieue parisienne, en dehors de Paris, de l'autre côté du périphérique, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en France, en dehors de Paris, il n'y a plus rien. Voilà, donc ça a été une sorte de révolution. Et tout de suite, j'ai été contactée par la délégation du Québec en France, par une femme merveilleuse qui s'appelle Martine Dionne, et qui m'a proposé de venir découvrir la scène artistique du Québec. Alors pourquoi j'ai accepté, je n'en sais rien. Je pense que c'est grâce à son charme et sa gentillesse. Et donc j'ai fait un premier voyage qui m'a absolument séduite. J'ai rencontré Nathalie Deblois qui travaillait à ce moment-là au Musée national des Beaux-Arts de Québec. J'ai rencontré Claude Bélanger. J'ai rencontré des tas d'artistes, de responsables de centres d'art. Et j'ai été absolument impressionnée par la place de l'art, la mission que la ville, mais je crois aussi la région et je crois plus largement le pays aussi, confère aux artistes. Mais même cette place physique, cette masse, ce nombre des centres d'artistes dirigés par des artistes, mettant en place des moyens pour les artistes. Pour moi, c'est une situation absolument inconnue, inédite. Ça marche pas comme ça en France, hélas. Voilà, cette question de l'entraide et puis cette reconnaissance de la valeur du rôle de l'art dans la société. Bon, j'ai été vraiment impressionnée. Voilà. Okay. Donc ça, c'est mon premier attachement à Québec. Et puis ensuite, on a travaillé ensemble. Dès 2009, on a réalisé donc avec le Musée national des Beaux-Arts de Québec une exposition conjointe dont la première occurrence s'est déroulée chez vous, en septembre 2009, et puis qui est venue au MacVal ensuite. Et cette exposition s'intitulait « Emporte-moi ». Et c'était une exposition internationale co-réalisée par Nathalie Deblois et Franck Lamy chez moi, mon commissaire d'expo. Et c'était une exposition qui, je crois, a marqué, puisque c'était sur l'amour, ses différents temps, voilà, des moments les plus heureux, à parfois des fins plus mélancoliques. Voilà, c'était un projet merveilleux. Donc voilà, je n'ai que de bons souvenirs ici. D'accord. Voilà, raison pour laquelle j'ai été très heureuse quand Claude Bélanger et Lynn Ouellette m'ont proposé ce beau projet. Super. Et j'enchaîne tout de suite là-dessus, sur cette question-ci, par rapport au thème de la manif d'art, parce que là, vous avez parlé d'amour, déjà, qui était un beau thème pour Emporte-moi. Et là, on enchaîne avec un beau thème aussi, l'art de la joie. Durant la conférence de presse, vous avez parlé d'un combat contre l'obscurantisme d'aujourd'hui. J'ai trouvé ça hyper inspirant. J'aimerais peut-être que vous expliquiez un peu votre vision justement de ce thème-là. Ce qui m'intéresse au premier chef, ce sont les thèmes humains. Non, ce qui m'intéresse, ce sont les œuvres et les artistes qui parlent de la vie, qui en nous parlant d'eux, nous parlent de nous. Et c'est les artistes qui s'imprègnent de ce qui les entoure et de la vie. Voilà, alors moi j'ai été très marquée il y a une dizaine d'années par un livre qui s'intitule donc « L'art de la joie », qui est un livre d'une grande auteure italienne qui s'appelait Goliarda Sapienza, qui a écrit ce livre entre 1967 et 78 et qui a été publié après sa mort par son compagnon qui était plus jeune. Et ce livre est un chef-d'œuvre absolu, c'est un gros pavé, un gros roman. Étonnamment, c'est plutôt les femmes qui sont sensibles à cette écriture très colorée, très violente, très engagée. Et donc ce roman, qui est en grande partie, j'imagine, autobiographique, raconte la vie d'une femme qui naît en 1900 en Sicile et qui doit exister, qui doit se battre pour survivre et qui fait de la joie, de l'engagement, de la politique, de la connaissance, de l'émancipation et de l'amour des autres, le combat d'une vie. Bon, c'est un roman initiatique. Ceux et celles surtout qui l'ont lu l'adorent absolument. C'est quelque chose qui nous constitue. Il y a quelques livres comme ça dans une vie qui ont une importance. Et donc, j'ai été très imprégnée de ça. Et quand j'ai pensé donc à un thème pour la manif d'art, j'ai tout de suite pensé qu'il ne fallait pas enfermer les artistes. J'ai toujours peur de quelque chose de très autoritaire qui décide de ce que pourraient devenir les œuvres. Et donc, je cherchais un thème très ouvert dont chacun pourrait s'emparer comme il le souhaite, à sa façon. Et donc, voilà, m'est revenu ce personnage qui me hantait, qui m'habitait depuis longtemps. Et voilà, donc j'en ai parlé. Ce sujet a été tout de suite partagé, on va le dire comme ça. Alors, la joie... Oui, c'est un sujet éminemment humain, c'est un sujet existentiel. Mais bien entendu, la joie, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui très combattu, très ciblé par l'obscurantisme. Ces forces sombres et obscures, nous les connaissons tous en ce moment, dans le monde entier, et elles nous menacent, c'est une rumeur qui gronde, voilà, qui prend voilà, des manifestations différentes en fonction de l'époque et des pays. Mais très certainement, tout ce qui est l'expression de l'âme, tout ce qui est l'expression de l'humanité, tout ce qui est la force de résistance est absolument combattu par ces forces obscures. Voilà. Bon, bien entendu, on peut pas ne pas penser à l'actualité, on peut pas penser à ce qui s'est passé en France, mais ce qui se passe aujourd'hui à Alep, terriblement, ce qui vous a menacé ici aussi au Canada, ce qui se déroule dans le monde entier. Voilà. Et donc, la joie, oui, la joie pour combattre ça. Une manifestation autour de la joie, ça ne veut pas dire que ce ne seront que des œuvres extatiques et absolument joyeuses. La joie, c'est bien entendu l'intensité du présent, c'est la conscience de sa présence au monde, de l'impermanence, de la fragilité, de la vie et des choses. C'est aussi des choses qui se gagnent avec le temps. Donc, j'imagine, puisqu'on a déjà pas mal de projets qui ont été écrits, qui sont proposés par les artistes et tous ont dit oui, j'imagine que cette manifestation, cette manif d'art montrera des œuvres aux tonalités très différentes. Il y aura d'abord des œuvres de nature très différente. Voilà, beaucoup de peinture, du dessin, une certaine économie de l'atelier, mais aussi des installations, de la vidéo, beaucoup d'œuvres performatives également. Mais des œuvres qui seront pour certaines, oui, absolument joyeuses, combatives, mais d'autres qui seront plus graves, qui seront plus poétiques, qui seront peut-être plus de l'ordre de la parabole. Voilà, il devrait y avoir des tonalités dans ces propositions très différentes. Voilà, donc je pense que ce sera une manifestation très contrastée, mais ce que je désire absolument et ce en quoi je crois, c'est que chacune de ces œuvres se présentera aussi comme un espace de rencontres, de dialogues et de résonances avec ce que chacun d'entre nous vit. Voilà. Donc, les artistes ont répondu oui, et ça, j'en étais très heureuse. On peut en reparler, ces artistes qui vont venir pour certains pour la première fois à Québec. Mais ils ont répondu oui, mais je crois que chacune de ces œuvres s'adressera à nous. Pour moi, le public, c'est le destinataire de tout ce que nous faisons, de tout ce que les artistes font, car chaque artiste attend de rencontrer le regard de l'autre. Chaque artiste produit pour être vu et pour rencontrer. Oui, super intéressant aussi ce que vous avez utilisé comme expression ce matin. Avoir envie de créer un dialogue, oui, comme lorsque nous nous trouvons autour d'un feu de foyer. Et je trouvais ça magnifique comme image, surtout que la biennale se déroule en plein hiver. Oui. Et c'est la seule pour la biennale hivernale en Amérique du Nord. Bon, on l'a vendu comme ça parce que c'est vrai que c'est exceptionnel. L'art de la joie, se trouver autour d'un feu de foyer en plein hiver, à l'extérieur des murs institutionnels, parce que oui, il faut le dire, il y a une partie des œuvres qui seront exposées au Musée national des beaux-arts du Québec, mais aussi plein d'autres lieux qui seront investis dans la ville de Québec, des lieux extérieurs, mais aussi des lieux que nous connaissons bien, comme le complexe Méduse, Regard, plein d'autres lieux que j'oublie, même des théâtres à Québec, comme le Théâtre Grand-Théâtre. Le Grand Théâtre, les vitrines de la Maison Simons même se prêtera au jeu de présenter des œuvres d'art. Bref, comment voyez-vous ça de faire sortir, si on veut, cette chaleur-là en plein hiver? Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui résonne là-dedans? Oui, alors ça résonne d'abord avec, moi, avec mes projets, hein, enfin, avec ma façon d'imaginer. Enfin, on est là pour les artistes et pour que leurs œuvres rencontrent le public. Voilà, ça, je pense que c'est à tous nos missions. C'est votre mission aussi dans une radio, c'est voilà, faire se rencontrer, se découvrir des intervenants. J'aime aussi beaucoup l'architecture de l'agence OMA du musée, que je vois vraiment aussi comme une main tendue avec ce bloc qui vient sur Grande Allée. Voilà, donc il y a vraiment cette idée d'aller vers les gens, pour aller vers les gens, pour qu'ils viennent vers nous aussi dans les lieux, dans les centres d'art ou dans les musées. Il faut d'abord initier cette rencontre et aller vers les autres. Voilà, et c'est pour ça que moi j'étais très heureuse que tous les centres d'art participent, beaucoup de lieux participent, mais j'aime cette idée que l'art va aussi dans la rue, dans l'espace public. Moi, j'ai vécu de merveilleuses expériences dans ce sens-là. J'ai été directrice artistique avec Franck, l'ami, de deux nuits blanches à Paris. Et ça, ce sont des expériences absolument uniques et merveilleuses de voir la foule partir dans une sorte de grand marathon, de grande marche, comme on dit chez vous, à la rencontre des œuvres sur les murs de la ville, dans des murs qui ne sont pas toujours faits pour ça, dans des murs qui transpirent aussi une autre histoire. J'aime beaucoup cette idée de la tension entre voilà, des lieux plus historiques ou des lieux faits pour autre chose et des œuvres, parce que d'abord, en fait, ça inspire les artistes. Voilà, ils adorent aussi travailler dans des lieux qui ne sont pas faits pour ça. Donc, l'idée, vraiment, c'est de créer une forme de communauté. Alors, le feu, bien sûr, il est métaphorique, mais c'est nous qui allons nous réchauffer ensemble. Mais c'est l'idée de créer cette grande balade dans une sorte de cartographie artistique qui va, je l'espère, créer une communauté. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'autour des œuvres, autour de l'art, tous nous rassemblions. Voilà, et que ce soit une communauté, certes, éphémère, mais que pendant un temps, ensemble, nous aurons été. Oui, et c'est très inspirant comme projet, surtout que ce sera une communauté internationale, parce que peut-être rappeler qu'il y a actuellement 42 artistes qui seront présents, provenant de 7 pays différents, et qui investiront la ville de Québec au complet. Donc, c'est très emballant comme programmation. Nous avons très hâte de voir ça. Est-ce qu'on peut en avoir quelques avant-goûts de ces... On peut dire que Christian Boltanski est fou de joie de venir découvrir Québec sous la neige, qu'Annette Messager a répondu avec plaisir, que Carlos Amorales, artiste mexicain, était fou de joie aussi, que Jacinthe Carrier et l'orchestre d'hommes orchestre ont répondu, puisqu'ils sont plusieurs, eux également, Dan Bro au Grand Théâtre, Jordan Bennett à Lévis à Regard, voilà, bon, et plein BG. D'autres. Ah oui, et donc, et plein d'autres. On en aura beaucoup à découvrir. Quand est-ce que ça se passe? Comment on reste à l'affût? Oui, en fait, c'est du 18 février au 14 mai 2017, mais d'ici là, on aura l'occasion de s'en reparler et d'avoir des nouveautés sur soit les œuvres d'art qui seront présentées, les artistes présentés et les lieux investis. Effectivement, on aura l'occasion de s'en reparler. Alors, merci énormément, Alexia Fabre, d'être passée par CKRL avant le retour en France, si je ne me trompe pas. Merci à toutes deux. J'ai hâte de vous retrouver devant les œuvres. Merci beaucoup, Suzy. Merci et puis, quant à vous, les auditeurs, auditrices, ne nous quittez pas. On a encore quelques minutes avant la fin de notre émission.